Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la Nouvelle-Calédonie ou l'indépendance introuvable. Le 12 décembre 2021, le troisième et en théorie le dernier des référendums d'autodétermination prévus par l'accord de Nouméa, s'est soldé par une victoire massive du non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. À l'évocation de ce territoire, on se souvient évidemment des événements de 88, la grotte d'Ouvéa, acmé du conflit en Nouvelle-Calédonie, une tragédie. Mais pour comprendre les enjeux du scrutin de décembre dernier, contesté et contestable, tant l'abstention fut forte, retraçons aujourd'hui le long chemin parcouru par ce territoire français situé aux antipodes, qui a toute une carte postale et qui pourtant a bien failli faire basculer la France dans la guerre civile. Notre invité aujourd'hui, Benoît Trépied, anthropologue, chargé de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Gaspard Vallu, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Septembre 1975, Nouméa, Nouvelle-Calédonie. C'est le jour d'ouverture de Mélanésia 2000, un festival qui dure 5 jours et qui met à l'honneur la culture du peuple mélanésien de Nouvelle-Calédonie. C'est la toute première fois qu'un tel événement se produit et ça n'est pas anodin, bien sûr. Découverte au XVIIIe siècle par le navigateur James Cook, la Nouvelle-Calédonie se trouve à l'est de l'Australie, au beau milieu de la mer de Corail, là où l'eau de la mer est toujours chaude. C'est l'empereur Napoléon III qui en fait une colonie française en 1853, près de 200 ans après les Antilles. Ce territoire, composé d'une grande île de 400 km de long, baptisée Grande Terre, et de trois atolls, appelés les îles Loyauté, est d'abord un lieu où échouent les bagnards condamnés aux travaux forcés en métropole, la plus célèbre étant la communarde Louise Michel. La population locale, les Kanaks, n'ont alors aucun droit. Placés sous le régime de l'indigénat, leurs terres sont confisquées et ils sont parqués dans des réserves où ils suivent les règles édictées par les missionnaires catholiques et protestants. Le souvenir de la colonisation est encore vif. Et lors de Mélanésia 2000, c'est un récit teinté d'ironie qui racontait. Après avoir débarqué dans la baie dite de Mama, nos hommes se sont rendus maîtres du terrain. Non sans avoir eu à affronter un fort parti d'indigènes. Bah, ils ont pas l'air tellement méchants pour des gars qui passent leur temps à se bouffer entre eux. Attention, les voilà qui reviennent. Après s'être regroupés, les natifs se sont lancés dans un second assaut. Mais tirez pas. Oh, bah, ils nous apportent des légumes. Ils nous apportent des fruits. Attends, petite chose. Oh, bah, autant profiter. Ce n'est qu'en 1946, après avoir combattu sous le drapeau français durant la Seconde Guerre mondiale, que les Kanaks obtiennent la citoyenneté française et le droit de participer à la vie publique et politique. Mais ils ne sont plus seuls sur leurs îles. Au fil des années, les bagnards ont été remplacés par des colons venus profiter d'un cadre de vie paradisiaque et des grandes opportunités économiques qu'offre la Nouvelle-Calédonie. Il y en a une en particulier qui attire les travailleurs métropolitains, c'est le nickel. Ce minerai, en effet, est présent en très grande quantité en Nouvelle-Calédonie. C'est d'ailleurs là que se trouve un quart des ressources de toute la planète. Et c'est l'aubaine, évidemment. Alors, la France crée dès 1880 une entreprise baptisée Société Le Nickel. Et c'est le début de l'exploitation de gigantesques mines à ciel ouvert, l'ouverture d'un nouveau Far West aux antipodes de la métropole. Les vagues d'arrivées se succèdent. Les Caldoches, les premiers colons et leurs descendants sont rejoints par d'autres métropolitains et par des travailleurs asiatiques. Ensuite, après la décolonisation au Maghreb, ce sont les pieds noirs du Maroc qui viennent tenter l'aventure sous le soleil du Pacifique Sud. D'ailleurs, les arguments ont de quoi convaincre, comme l'explique au micro d'Antenne 2 un métropolitain venu vivre l'Eldorado calédonien. Il est essentiel que beaucoup de métropolitains viennent s'installer ici pour participer au développement industriel de l'île. Et gagner de l'argent peut-être aussi ? Gagner de l'argent certainement, la vie ici est somme toute agréable et malgré l'inflation, je pense qu'on est quand même très heureux ici. Et sur le plan pécuniaire ? Sur le plan pécuniaire également. crois que les salaires sont suffisamment élevés pour permettre à la plupart des gens un niveau de vie très décent et même très supérieur à celui de la métropole. Pour un ingénieur ou un cadre moyen ? Pour un ingénieur ou un cadre moyen, il faut compter à peu près 100 000 francs pacifiques, donc 550 000 anciens francs. Et on peut faire des économies là-dessus ? Ah, certainement. Surtout qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Résultat, à la fin des années 60, les Kanaks deviennent pour la première fois minoritaires sur leur territoire. Un grand remplacement face aux colonies. S'ils sont majoritaires au nord de Grande-Terre et sur les îles Loyauté, le sud des Nouméa, en revanche, sont très largement occupés par les Européens et les Caldoches. Alors, quand se tient le tout premier festival de la culture kanak et mélanésienne, il y a quelque chose d'identitaire et de politique. C'est Jean-Marie Djibaou qui est aux manettes. Originaire du village de Yengene, situé sur la côte nord-est de Grande-Terre, éduqué par les missionnaires, il devient d'abord séminariste et poursuivre des études en métropole. Il est à Lyon quand les premiers mouvements indépendantistes naissent en Nouvelle-Calédonie. Des mouvements initiés par des jeunes Kanaks revenus de leurs études en France et inspirés par les révoltes étudiantes de mai 68. Il fonde alors le groupe des Foulards Rouges. Plusieurs d'entre eux sont arrêtés en 69, alors qu'ils distribuent des tracts rédigés dans leur langue d'origine. En 73, Jean-Marie Djibaou quitte les ordres pour se consacrer pleinement au combat pour l'affirmation de la culture kanak, et plus tard, à la lutte pour l'indépendance de son pays. Il rejoint l'Union calédonienne. Créé en 46, c'est le premier parti politique local à revendiquer l'affirmation de l'identité kanak. Son slogan, deux couleurs, un seul peuple. En 77, deux ans après l'organisation du festival Mélanésia, Jean-Marie Djibaou devient vice-président de l'Union calédonienne. Entouré de proches comme Yewene Yewene et Loa Machoro, il insuffle une nouvelle dynamique au parti et l'oriente vers la lutte pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Un changement d'orientation qui débouche sur le départ de nombreux Européens du parti. Mais Jean-Marie Djibaou provoque aussi l'émergence d'un nouvel adversaire. La même année, en effet, le caldoche Jacques Lafleur, fils du sénateur Henri Lafleur, fonde le RPCR, le Rassemblement pour la Calédonie dans la République. Ce parti politique loyaliste est un allié des gaullistes en métropole. Et Lafleur s'impose comme le principal adversaire politique de l'Union calédonienne de Jean-Marie Djibaou. Si l'élection de François Mitterrand le 10 mai 81 inquiète les loyalistes du RPCR, elle réveille les espoirs des indépendantistes qui espèrent que le nouveau président socialiste pourra ouvrir la voie vers l'émancipation de la Nouvelle-Calédonie. Dans les semaines qui suivent l'élection de François Mitterrand, les manifestations se succèdent à Nouméa. Tour à tour, indépendantistes et loyalistes défilent dans les rues et des premières tensions commencent à se faire sentir. C'est en septembre 81 que la situation dégénère. Le 20 septembre de cette année-là, Pierre Leclerc, le secrétaire général de l'Union calédonienne et proche de Jean-Marie Djibaou, est tué par balle chez lui. Qu'un haut responsable du parti indépendantiste soit assassiné, un homme blanc de surcroît car il en avait. Les blancs luttaient également pour l'indépendance. Le message est clair, comme l'exprime l'un d'eux lors de l'enterrement de Pierre Leclerc. Tout le monde se déclare indigné après l'assassinat de Pierre Leclerc. Mais par-delà ces déclarations, on entend tous les discours racistes et fascistes. L'assassinat de Pierre Leclerc, pour nous, n'est pas une simple péripétie. Non, l'assassinat de Pierre Leclerc nous dit autre chose aujourd'hui. Il nous dit d'abord que la structure coloniale est une réalité bien vivante, sur notre territoire. Il nous dit aussi que Pierre Leclerc est la victime de cette structure coloniale dans laquelle nous sommes tous enfermés. La mort de Pierre Leclerc nous interroge tous aujourd'hui. Pierre a versé son sang pour la cause de l'indépendance kanak et socialiste. Il a mis toute sa vie au service du peuple kanak. Pierre Leclerc ouvre cette longue marche du peuple kanak. Et pourtant, en métropole, la réaction se fait attendre. Ce n'est qu'en juillet 84 que l'Assemblée nationale adopte une réforme du statut d'autonomie de la Nouvelle-Calédonie. Porté par Georges Lemoine, le secrétaire d'État au Dom-Tom, ce nouveau statut renforce les compétences territoriales et pose pour la première fois la question du référendum d'autodétermination. Pourtant, ce projet ne satisfait ni les indépendantistes kanaks, ni les loyalistes caldoches. Les premiers s'inquiètent du fait que le vote soit ouvert à tous les résidents de Nouvelle-Calédonie, où les kanaks sont minoritaires. Les seconds reprochent à Paris d'ouvrir la voie à l'indépendance. Bref, le gouvernement espérait éteindre le feu, il a jeté de l'huile dessus. Le 22 septembre, Jean-Marie Djibaou et les autres leaders indépendantistes se réunissent en congrès et annoncent la création du FLNKS, le Front de Libération Kanak et Socialiste. Des plus durs jusqu'aux plus modérés, tous se fédèrent pour peser de tout leur poids dans la lutte. Comme le raconte Éloi Makoro, l'un des leaders du mouvement. Le congrès que nous venons de faire, c'est un congrès qui organise la période de lutte qui doit nous emmener à l'indépendance. On a mis une structure en place et cette structure-là, c'est celle qui va nous permettre d'arriver et d'aboutir avec toutes les actions que nous allons organiser pour que le statut de moine, on n'en parle plus que le territoire. Alors, vous rentrez aujourd'hui dans l'illégalité. Est-ce que vous ne craignez pas les réactions en face? Les réactions en face, chacun prend sa responsabilité. Nous, nous avons pris les notes que ceux qui sont contre nous prennent la responsabilité, c'est leur droit. En novembre 84, les élections territoriales sont marquées par l'appel au boycott du nouveau Front de Libération Kanak et Socialiste. Le jour du vote, Éloi Makoro marque les esprits. Devant les photographes, il défonce l'urne de la mairie de Canalas-sur-Grande-Terre à coups de hache. Sans surprise, le RPCR de Jacques Lafleur remporte haut la main les élections territoriales. Mais les indépendantistes de Jean-Marie Djibaou et Éloi Makoro refusent de baisser les bras. Et ils s'apprêtent à frapper un grand coup. Le 1er décembre, les dirigeants du FLNKS se réunissent à Mont-d'Or, une commune située au sud de Numoy, Nouméa, sur le territoire de la tribu de la Conception. Réunis en congrès, le Parti Kanak crée le premier gouvernement provisoire de la République de Kanaky. C'est Jean-Marie Djibaou qui en devient le président. Les indépendantistes du FLNKS qui ne perdent pas de temps pour passer à l'action politique. Ils viennent de former un gouvernement provisoire et de se donner un drapeau au cours d'une cérémonie à laquelle notre envoyé spécial Philippe Reltien vient d'assister. Écoutez ce reportage. Pour la République de Kanaky, pip pip. Ouais. Et pip pip. Ouais. Et pip pip. Aujourd'hui, nous relevons le défi et nous levons ce drapeau. Le soleil est aujourd'hui au rendez-vous, de l'histoire du peuple kanak. Merci au soleil, merci à nos ancêtres. En tant que président du gouvernement provisoire, je salue l'emblème national de Kanaky et je déclare constituer le gouvernement provisoire de la République de Kanaky. Que Kanaky vive! Jean-Marie Djibaou s'entoure de ses fidèles. Éloi Makoro est nommé ministre de la Sécurité. Yewene Yewene, porte-parole, ministre des Finances et de la Solidarité. La création du gouvernement provisoire de la République de Kanaky exacerbe les tensions, évidemment. Au sud de Grande-Terre, en plein cœur du territoire loup, les loyalistes européens et caldoches manifestent quotidiennement contre les velléités indépendantistes du FNKS. Et très rapidement, l'île est paralysée par des barrages routiers. Des rixes éclatent un peu partout sur Grande-Terre entre loyalistes, indépendantistes et gendarmes. Il en faut peu pour faire basculer l'île dans la violence. Le 5 décembre au soir, un groupe de 10 kanaks revient d'une réunion locale du FLNKS près de Yengene, le village de Jean-Marie Djibaou. Or, ils tombent dans une embuscade montée par un groupe de caldoches. Les 10 hommes meurent sous les balles de leurs assaillants. Parmi les victimes, 2 frères de Jean-Marie Djibaou. Au lendemain de cette tragédie, le président du gouvernement provisoire kanak s'exprime face aux caméras de télé. J'espère que la réconciliation viendra assez vite, mais je pense que ce sera dur. Qu'avez-vous dans votre cœur ce matin, monsieur Djibaou? J'essaie de ne pas avoir de haine. Promesse tenue, le lendemain, Jean-Marie Tjibaou confirme la levée des barrages routiers sur l'île et tente de calmer les esprits. Mais la violence ne faiblit pas. Durant les jours qui suivent, des loyalistes proches du RPCR déposent plusieurs bombes artisanales dans les rues de Nouméa et les agressions se multiplient dans les deux camps. Le 11 janvier 85, un peu plus d'un mois après l'embuscade de Yengene, Yves Tual, le fils d'un exploitant caldoche, meurt sous les balles d'indépendantistes venus encercler la maison familiale. En réaction, la communauté caldoche de Grande-Terre se révolte. Roger Gaillot, maire de la commune de Thio, n'hésite pas à prendre la parole devant les caméras pour annoncer que les siens ne se rendront pas à la rencontre des Kanaks avec des bouquets de fleurs. Le lendemain, le 12 janvier, le GIGN est appelé dans le village de la Foix. Les gendarmes doivent déloger un groupe d'indépendantistes Kanaks qui occupe alors la maison d'un Européen. Quelques heures après être arrivé sur place, le GIGN lance l'assaut. Deux membres du FLNKS sont tués, dont Éloi Majoro. La Nouvelle-Calédonie s'embrase. Mais en métropole, les réactions tardent encore une fois à se faire entendre. Un an plus tard, en 86, le gouvernement annonce la tenue prochaine d'un référendum d'autodétermination. Mais le camp indépendantiste proteste contre la possibilité offerte à tous les résidents calédoniens de se prononcer et annonce boycotter le scrutin. Le référendum se tient le 13 septembre 1987. 98% des votants se prononcent en faveur du non à l'indépendance. Mais avec une très forte abstention, le gouvernement est encore très loin d'avoir réglé le problème. Il est d'ailleurs sur le point de subir ce qu'on appelle un retour de flamme. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Au début du printemps 88, la France est en pleine campagne présidentielle. Le président socialiste François Mitterrand se présente pour un second septennat face à son premier ministre d'opposition, Jacques Chirac. En Nouvelle-Calédonie, c'est le statu quo. Depuis la mort d'Éloi Machoro, la tension peine à redescendre. Et l'échec du référendum, évidemment, n'a rien arrangé. Les tombes continuent à se remplir. Le 22 avril, deux jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, coup de théâtre. Bonsoir. Massacre en Nouvelle-Calédonie, trois gendarmes tués, deux grièvement blessés, 27 pris en otage par un commando anti-indépendantiste, trois des assaillants mélanésiens sont également blessés. Récit et reportage de notre envoyé spécial Serge Martin. Il fait nuit maintenant en Nouvelle-Calédonie, près de 18 heures après le drame. Tout a éclaté à Ouvéa, une des îles Loyauté, à 500 km à peu près au nord-est de Nouméa. Un groupe d'une quarantaine de Mélanésiens, armés semble-t-il de fusils mais aussi de haches et de sabres, ont littéralement pris d'assaut la brigade de gendarmerie locale. Bilan, trois gendarmes tués, deux autres très gravement blessés, trois assaillants mélanésiens blessés eux aussi et 27 gendarmes toujours pris en otage par le commando. L'objectif de l'opération est simple, occuper la gendarmerie jusqu'au deuxième tour de la présidentielle. Mais l'assaut dérape et les assaillants trouvent refuge avec leurs otages dans une grotte située au nord de l'île, sur le territoire de la tribu de Gossana. Le 24 avril, au jour du premier tour de la présidentielle, le gouvernement envoie des troupes d'élite sur l'archipel. Le GIGN et le 11e choc, unité de parachutistes de l'armée de terre, font de l'île paradisiaque une zone militaire. Et la situation s'enlise. Les preneurs d'otages sont lâchés par les dirigeants du FLNKS et les négociations n'aboutissent à rien de concret. Au terme d'interminables tergiversations à la tête de l'État, l'assaut est donné quelques jours seulement avant le second tour du scrutin. Le 5 mai, les autorités militaires déclenchent l'opération baptisée Victor. Grâce à l'aide d'hélicoptères faisant diversion, le GIGN et les hommes du 11e choc pénètrent dans la grotte. Des grenades lacrymogènes aveuglent les preneurs d'otages qui sont vite neutralisés. Alors que l'objectif était de limiter les pertes humaines dans les deux camps, 19 Kanaks sont tués durant l'assaut, deux gendarmes également. Les preneurs d'otages voulaient faire parler de la Nouvelle-Calédonie à l'occasion de la présidentielle. C'est dramatiquement réussi. Lors du débat d'entre-deux tours, le 28 avril 1988, François Mitterrand et Jacques Chirac s'expriment sur le sujet. Le candidat de la droite adopte un discours radical, cherchant peut-être à récupérer une partie des voix de Jean-Marie Le Pen, arrivé quatrième avec 14% des voix. Monsieur Chirac, pour deux minutes. Vous savez, je connais bien la Calédonie, et c'est un pays que j'aime. J'y suis allé 11 fois. Ce qui me donne une certaine supériorité par rapport à ceux qui ne connaissent pas cette terre, ces hommes. Il y a enfin un petit groupe qui d'ailleurs rejette les traditions culturelles et la coutume mélanésienne et kanak, et qui s'appelle le FLNKS, qui a été longtemps une sorte de parti politique, puis qui petit à petit a dérivé vers le terrorisme, et qui aujourd'hui est un groupe terroriste, et qui vient encore de le marquer en étant solidaire et en revendiquant la préparation du drame d'Ouvéa, où nos gendarmes ont été prisonniers, tués. Vous savez, monsieur Mitterrand, Tshibaou disait, il y a quelque temps, que la France nous dise combien elle veut de morts. Et si je ne m'abuse, dans votre lettre aux Français, vous disiez, depuis 7 ans que je le rencontre, monsieur Tshibaou ne varie pas, c'est un homme que je respecte. Eh bien, voilà notre différence. Monsieur Chirac, nous avions dit 2 minutes. Après avoir martyrisé le pauvre Chirac dans un débat où il l'écrase à plate couture avec des formules assassines et diaboliquement efficaces, François Mitterrand triomphe le 8 mai 88 pour un second mandat. Et contrairement à son rival, il considère Jean-Marie Tshibaou et le FLNKS comme des interlocuteurs nécessaires pour la résolution de ce début de guerre civile. Il nomme alors Michel Rocard Premier ministre et lui confie le dossier calédonien. Son objectif est clair. Trouver une issue à ce conflit qui dure depuis 4 ans et qui a déjà fait des dizaines de morts. La mission, évidemment, est périlleuse. Le Premier ministre doit parvenir à réunir les deux camps autour de la table. Mais Kanaks et Caldoches ne se parlent plus depuis des années et ont montré à plusieurs reprises qu'ils n'étaient pas prêts à faire la moindre concession. Après avoir envoyé une équipe en observation, sur place, pendant plusieurs semaines, Michel Rocard convoque Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur, rue de Varennes, donc à Matignon, au cours du mois de juin 88. Au terme de 15 jours d'efforts, le dialogue se noue enfin et les négociations avancent. Finalement, le 26 juin, Michel Rocard annonce qu'un accord a été trouvé entre les deux parties. Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur côte à côte. Michel Rocard leur faisant face, c'était à Matignon en fin de matinée. L'accord sur la Nouvelle-Calédonie venait d'être signé. Et si tous les problèmes ne sont pas résolus loin de là, pour tous, un grand pas venait d'être franchi. Choisir entre pouvoir travailler en sécurité et s'entretuer, je pense que les délégations étaient conscientes. C'était même émouvant parfois. Et je pense que la Calédonie, même si pour les militants c'est un peu dur peut-être, dans l'immédiat, je pense que l'avenir saura reconnaître que ces accords ont constitué un pas important. Jacques Lafleur et Jean-Marie Djibaou échangent une poignée de main historique qui marque la fin des violences et l'espoir de la résolution de ce conflit. Michel Rocard, lui, signe la grande victoire politique de sa carrière. Il se dit même que Mitterrand a apprécié, c'est dire. Concrètement, les accords de Matignon posent les premières pierres du chemin vers la décolonisation. Il fixe déjà une date, 1998. Dans 10 ans donc, les Calédoniens, Kanakas et Caldoches, se prononceront lors d'un référendum sur l'indépendance de leur territoire. À Matignon, Lafleur et Djibaou se mettent également d'accord sur le corps électoral qui sera alors en droit de voter. C'est la première fois que les deux camps trouvent un terrain d'entente sur cette question cruciale pour les Kanaks devenus minoritaires, rappelons-le, sur l'archipel. Si les accords de Matignon prévoient un délai de 10 ans avant la tenue du référendum sur l'autodétermination, c'est aussi pour permettre de mettre en place un rééquilibrage entre les populations kanaks et européennes. Territoriale d'abord. Une société foncière est chargée de racheter les terres spoliées lors de la colonisation pour les rendre aux kanaks. L'archipel est également divisé en 3 provinces, devant permettre une meilleure représentation des kanaks. La province sud est dirigée par le RPCR, la province nord et les îles Loyauté par le FLNKS. Chacune de ces provinces dispose de compétences importantes et de budgets qui lui sont propres. Le rééquilibrage est également économique. Les Kanaks obtiennent la possibilité d'exploiter enfin les abondantes ressources minières de Nouvelle-Calédonie. Le nickel n'est plus alors uniquement en main de Caldoches. Jacques Lafleur vend ainsi sa propre société minière à des Kanaks de la province nord. Nickel. Au terme de ces accords, Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur sont invités à s'exprimer sur la résolution du conflit en Nouvelle-Calédonie, sur le plateau de la télé, et en l'occurrence, Antenne 2. Avec nous sur ce plateau, et c'est une grande première à la télévision, ce sera même la première fois que vous verrez ces deux hommes l'un en face de l'autre. Jacques Lafleur, qui se trouve à ma gauche, qui est le patron du RPCR en Nouvelle-Calédonie, et à ma droite, Jean-Marie Djibaou, qui est lui le patron du FLNKS. C'est la première fois que ces deux hommes se retrouvent sur un plateau de télévision. J'ai une question à vous poser à l'un et l'autre, et vous pouvez me répondre par oui ou par non. À votre avis, en l'an 2000, la Nouvelle-Calédonie est indépendante ? Pour moi, oui, mais avec tout le monde. Et vous, Jacques Lafleur ? Pour moi, non, mais avec tout le monde. Les francs-maçons français, aujourd'hui encore, diffusent le message selon lequel Jacques Lafleur, initié, et probablement Djibaou aussi, aurait tenu un rôle dans cette affaire. Entendez par là que leur appartenance à cette société philosophique aurait transcendé leurs divergences. D'ailleurs, c'est Roger Loret, grand maître du Grand Orient de France, qui avait mené sur place une série de consultations avant les accords de Matignon. Aux historiens de statuer sur ce point. Quoi qu'il en soit, le 6 novembre 88, la population française valide par référendum les accords de Matignon. 80% de votants approuvent le nouveau statut d'autonomie de l'archipel et la perspective d'une autodétermination dans 10 ans. Mais en Nouvelle-Calédonie, c'est une autre histoire. Dans le camp indépendantiste, Jean-Marie Djibaou peine à convaincre ses partisans. On lui reproche une trop grande complaisance ou encore d'avoir validé une trop longue période d'attente avant le référendum. Bref, les accords de Matignon divisent une partie des militants du FLNKS et Jean-Marie Tjibaou se trouve dans une position délicate. Le 4 mai 89, alors qu'il est en déplacement à Ouvéa pour une cérémonie en hommage aux morts de la grotte d'Ouvéa, il est assassiné aux côtés de Yewene Yewene. France Inter, 19h15, édition spéciale consacrée à l'assassinat de Jean-Marie Tjibaou et Yewene Yewene. Pour ceux qui viennent seulement de tourner le bouton du transistor ou de l'autoradio s'ils sont sur la route, je vous rappelle d'abord les faits que nous venons déjà de développer depuis 19h. Les deux dirigeants du FLNKS ont été assassinés ce matin à coup de feu par un militant extrémiste du camp des indépendantistes, le tout sur l'île d'Ouvéa, exactement un an après la fusillade et le drame de la grotte. C'est Jubilee Ware, un militant indépendantiste, dissident du FLNKS, qui tue le signataire des accords de Matignon et son bras droit. Conseiller régional d'Ouvéa, il avait passé quelques mois en prison en métropole à la suite de la prise d'otage. Et il avait vivement critiqué les accords de Matignon. Jubilee Ware est ensuite abattu par les gardes du corps de Jean-Marie Tjibaou. On aurait pu craindre que la mort de la figure tutélaire du FLNKS ne fasse repartir le conflit, mais non. Les accords imaginés par Rocard, Tjibaou et Lafleur dans les salons de Matignon entrent en vigueur. ...1998, 10 ans ont passé, la Nouvelle-Calédonie a entamé son processus de décolonisation. Le rééquilibrage imaginé dans les accords de Matignon commence à se faire sentir. La grande autonomie accordée aux provinces de l'archipel a permis en effet de nombreuses avancées en faveur de la population kanak. Pourtant, alors que l'échéance du référendum d'autodétermination approche, le constat est clair. Il reste encore du travail pour que ce scrutin puisse se tenir dans les meilleures conditions possibles. Alors, il est une nouvelle fois temps de se réunir autour de la table de négociation. Cette fois, la donne politique a changé. Jacques Chirac est président de la République et c'est Lionel Jospin, son premier ministre socialiste, qui est chargé du dossier. Il se rend à Nouméa pour signer un nouvel accord tripartite avec le FLNKS et le RPCR. C'est une signature historique, des poignées de main entrelacées pour des destins partagés. Michel Rocard, dans sa fougue, est pressé d'applaudir. Cet accord, signé ce matin par Lionel Jospin et les deux principaux partis pro et anti-indépendantistes, ont scellé l'avenir d'une Nouvelle-Calédonie sur le chemin de la souveraineté. La Nouvelle-Calédonie ne sera plus un territoire d'outre-mer, elle exercera une souveraineté partagée avec la République. La solidité de l'accord de Nouméa dépend de l'attention avec laquelle ceux qui l'ont signé veilleront à sa mise en œuvre et de la confiance qu'ils maintiendront les uns envers les autres pour surmonter les difficultés. Le 5 mai 1998, les accords de Nouméa sont signés. Ils permettent d'aller encore plus loin que les accords de Matignon signés 10 ans plus tôt. Il crée avant tout une nationalité calédonienne, le message est fort, et il reconnaît les ombres de la colonisation. L'État accélère le transfert de compétences. L'enseignement, le droit civil, le commerce extérieur passent ainsi sous la responsabilité du territoire. La métropole conserve en revanche ses compétences pour les domaines de la défense, de la monnaie et de la justice, les domaines régaliens de l'État. Mais l'existence d'un droit coutumier est reconnue pour les Kanaks. Ces accords créent également un gouvernement de Nouvelle-Calédonie et pour garantir la représentation de tous, il est collégial, composé de ministres membres de tous les partis, FLNKS comme RPCR. Enfin, les accords de l'Ouvéa n'oublient pas la question du référendum d'autodétermination. Il est repoussé à 20 ans pour terminer le travail de décolonisation. Dans cet accord, il est prévu la possibilité d'organiser 3 référendums si lors des 2 premiers le non l'emporte. Le premier, qui est en réalité le second, après celui de 87, se déroule le 4 novembre 2018. Lors de ce vote marqué par une participation de 81%, le non à l'indépendance l'emporte avec 56% des suffrages. Comme prévu dans le texte de l'accord de Nouméa, les indépendantistes demandent la tenue d'un second vote. Celui-là est organisé 2 ans plus tard, le 4 octobre 2020. Après une intense campagne, le FLNKS parvient à récupérer de nouvelles voix et faire voter une partie des abstentionnistes. Résultat, une participation de 85% et le nom qu'il emporte, encore une fois, et cette fois avec 53% des suffrages. Le troisième référendum s'annonce alors décisif. Les 15% d'abstentionnistes restants se trouvent en très grande majorité dans les provinces du Nord et des îles Loyauté, des provinces dont le vote est acquis au FLNKS. La date de ce dernier référendum est fixée au 12 décembre 2021. Mais alors que la Nouvelle-Calédonie avait réussi à passer au travers de la pandémie de Covid-19 lors du scrutin de 2020, c'est une autre histoire un an plus tard. L'archipel est durement touché, les morts sont nombreux et la campagne est sévèrement impactée. Les indépendantistes qui comptaient sillonner les coins reculés de la Nouvelle-Calédonie sont bloqués et demandent le report du vote. Mais le gouvernement décide autrement et le FLNKS appelle une nouvelle fois au boycott d'un scrutin pourtant décisif. Le 13 décembre 2021 donc, le non à l'indépendance l'emporte avec 96,5% des voix, mais avec une participation qui tombe à 43%. 33 ans après les accords de Matignon, et malgré tous les efforts qui ont été déployés, la Nouvelle-Calédonie risque une nouvelle fois de se retrouver dans l'impasse, la France ne parvenant pas à terminer le processus de décolonisation. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le destin de la Nouvelle-Calédonie. Notre invité, Benoît Trépied. Bonjour. Bonjour. Anthropologue chargé de recherche au CNRS. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Alors, première question qui suit directement la fin du récit pour bien comprendre pourquoi les indépendantistes ont décidé de boycotter le scrutin. On a parlé du Covid, alors il faut dire la Covid, bon, peu importe le résultat elle-même. Est-ce que c'est la seule raison ? C'est la principale raison de fait qui a expliqué la non-participation des indépendantistes. D'abord parce qu'il y a eu cette espèce d'effet de sidération, hein, ça arrivait très très vite et puis les gens étaient très peu vaccinés, donc il y a eu ça. Il y a un aspect culturel important qui est lié au fait que dans les cultures du Pacifique, en temps de deuil, on arrête tout, on se rassemble, on fait des grandes cérémonies. Et ces cérémonies n'ont pas pu avoir lieu et c'est très compliqué de passer à autre chose dans ce contexte. Et puis d'un point de vue plus strictement politique, comme vous l'avez expliqué, le Covid ne permettait pas de déployer une campagne de proximité jusqu'au foyer en faisant du porte-à-porte. Or, les indépendantistes avaient besoin d'aller chercher les derniers abstentionnistes pour pouvoir espérer l'emporter, sachant que la dynamique électorale entre 2018 et 2020 était clairement en leur faveur, donc avait un véritable espoir. Et c'est la raison pour laquelle ils ont demandé à repousser ce référendum, comme d'ailleurs les L'État s'y était engagé en 2019, puisqu'Édouard Philippe, en 2019, avait solennellement déclaré que le référendum n'aurait pas lieu pendant la période de la campagne présidentielle, mais aurait lieu après septembre 2022. C'est ça. Il dirait que d'octobre, dernier octobre prochain, il devait y avoir une sorte de moratoire. On était dans la présidentielle, hein, on ne se mélange pas. Il ne fallait pas qu'il y ait un événement qui court-circuite l'autre. C'était ça l'esprit. Voilà, c'était ça. Et ce qui est important de dire, c'est que ça, c'est une décision qui a été prise en 2019 après le premier référendum, mais avant le second, et qui était une décision consensuelle, c'est-à-dire que l'État, les indépendantistes et les loyalistes avaient collectivement convenu de ne pas placer le référendum dans cette période pour éviter toute instrumentalisation politique, parce que précisément, comme vous l'avez raconté, l'instrumentalisation politique du dossier calédonien en France, ça renvoie à des très mauvais souvenirs, ça renvoie à Ouvéa, à cette course à l'échalote entre Chirac et Mitterrand. Ce qui a véritablement changé la donne, et qui explique que l'État ait voulu accélérer le processus, c'est véritablement le résultat du deuxième référendum, parce qu'en réalité à ce moment-là, les écarts se sont nettement resserrés, et pour la première fois à l'issue du deuxième référendum, il y a eu la perspective d'une véritable incertitude sur le troisième référendum. Oui, parce que le oui ne l'avait emporté que comme un scrutin présidentiel, on était à 54, c'est ça? Oui, hein, c'est-à-dire que concrètement, il y avait moins de 10 000 voix d'écart, ouais. Donc beaucoup moins que les derniers abstentionnistes. Et cette modification des choses a un peu bouleversé la donne, c'est allé de pair avec le fait qu'il y a eu un nouveau gouvernement, avec le gouvernement Castex, que le dossier calédonien habituellement est un dossier Matignon, hein, depuis l'époque d'où les accords de Michel Matignon, Rocard. Voilà, depuis l'époque de Michel Rocard. Édouard Philippe lui-même était très attaché au dossier calédonien, il a reçu beaucoup de gens de Calédonie, et lorsque le gouvernement Castex est arrivé, de fait le dossier est un peu tombé en déshérence, n'est plus devenu un dossier Matignon. Il a été confié uniquement à Sébastien Lecornu, qui est arrivé avec une méthode assez disruptive, pour reprendre le mot cher aux macronistes. Et cette méthode disruptive, finalement, a rompu le dialogue et surtout, comme l'a rappelé Jospin lors de l'accord de Nouméa, a rompu la confiance entre une partie des partenaires, c'est-à-dire entre l'État et les indépendantistes. D'où cette escalade qui aboutit à ce résultat qui ne règle absolument rien. Ah, c'est bon, on peut se dire. Voilà. Donc, est-ce qu'on prend 30 ans de retard? Enfin, ils prennent 30 ans de retard. En tout cas, on peut dire qu'il n'y a jamais eu une mise en cause aussi forte de l'acquis de 30 ans d'accord. C'est ça, oui. Que depuis les dernières semaines. Oui, parce qu'en fait, il y a eu toujours un consensus de toutes les forces politiques en France pour ne plus mêler le dossier calédonien aux échéances nationales. Et les gouvernements de droite comme de gauche, comme ça a été rappelé dans le récit, s'en sont toujours tenus à une attitude d'impartialité pour ne plus mettre le feu à la Calédonie. Il y a eu véritablement un virage très frappant pour tous les observateurs dans le comportement récent du ministre de l'Outre-mer et d'Emmanuel Macron au-dessus de lui. Dans quel état d'esprit sont les leaders indépendantistes là, aujourd'hui, au moment où nous parlons, après cette occasion ratée pour eux du mois de décembre? Ils n'ont pas de mots assez durs pour condamner ce qui s'est passé. Ils parlent de référendum bidon, de mascarade d'autodétermination, de hold-up politique. Ils disent que c'est un référendum qui est celui de l'État et des loyalistes, mais pas des indépendantistes. Donc, et ils ont d'ores et déjà dit, le gouvernement actuel s'est complètement discrédité par cette sortie de son rôle impartial. On attend donc désormais les présidentielles et législatives pour discuter d'un nouveau statut. D'un quatrième référendum aussi, le coup. Ils ont dit... Parce que, attendez, si je compte bien, trois étaient prévus. Au bout du troisième, si c'était encore le nom qui l'emportait, c'était fini. Oui, les forces politiques devaient se rassembler pour analyser la situation ainsi créée, disait l'accord de Nouméa. Préalablement à ça, il y a eu une partie de négociations ad hoc, où il y a eu une partie seulement des indépendantistes qui y sont allés en mai-juin 2021. Lors de ces négociations, portées par Sébastien Lecornu, le ministre de l'Outre-mer, il y a eu la décision d'ouvrir des discussions pendant 18 mois, et derrière ces discussions, d'appeler un référendum de projet. Mais ce que disent les indépendantistes, c'est que ce programme politique est celui de Sébastien Lecornu et des loyalistes, mais il n'engage qu'eux. Et à ce stade, ils ont dit, nous, on acceptera de venir discuter seulement de quelle forme d'indépendance. Or, de l'autre côté, les loyalistes disent trois fois non, ça veut dire non. Donc on accepte de discuter que d'une forme d'autonomie dans la République. Autrement dit, on oublie le rêve indépendant, quoi. Ah bah, du côté des loyalistes, ils disent c'est terminé. Les indépendantistes disent non, puisque le troisième référendum, c'est comme s'il n'avait pas eu lieu. Et ce qui compte, c'est le dernier référendum. Donc la situation est complètement bloquée. Et politiquement, on a tout à craindre de l'avenir. Oui, c'est peut-être porteur de violence. Alors, la situation politique et sociale dans le pays n'a rien à voir avec celle des années 80, puisqu'on a vécu trois décennies de paix, d'apaisement. La population est très jeune, hein, il y a la moitié de la population qui a moins de 30 ans, donc qui n'a connu que les accords. On n'est pas du tout à couteau tiré comme on l'était dans les années 80. Néanmoins, on a vu avec le suivi massif de la consigne de non-participation que l'attachement des Kanaks à la revendication d'indépendance se transmet de génération en génération et toujours aussi fort. Autrement dit, si la situation risque bloquer, ça, il y a la possibilité que ça dégénère. La situation peut devenir fragile. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les mois prochains. Mais il y a une véritable incertitude politique, comme il n'y en a pas eu depuis 88. Est-ce que le levier, ça pourrait être la question du corps électoral dans une colonie de peuplement? Rappelons d'ailleurs ce qu'est une colonie de peuplement. C'est pas le cas pour toutes les anciennes colonies françaises, hein. Non, au contraire, la Calédonie est assez exceptionnelle de ce point de vue. Une colonie de peuplement, c'est une colonie où le colonisateur ne fait pas seulement qu'exploiter les ressources avec quelques militaires et quelques fonctionnaires. C'est une colonie dans laquelle on crée une nouvelle société française, européenne, ce qui implique donc d'abord de prendre les terres, de pousser les indigènes à l'extérieur et puis de créer cette nouvelle société. Concrètement, c'est ce qu'a été la Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'ont été les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Et la vraie problématique dans ces situations-là, c'est qu'une fois que les colons sont là et qu'ils sont implantés et que des générations et des générations naissent, on est sur une politique du fait accompli. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire aux gens, une fois qu'ils sont enracinés dans le pays depuis plusieurs générations, ben maintenant vous repartez. Ouais. Donc, ça signifie aussi que dans ce cas-là, la vraie question, c'est qui fait partie du pays et qui est habilité à se prononcer sur l'indépendance. Donc, au départ, les Kanaks, quand ils ont émergé, quand ils ont construit la revendication d'indépendance, ils ont dit il n'y a que le peuple colonisé, au nom des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui peut revendiquer l'indépendance. Face à ça, l'État français a dit, ici c'est la France, en France, un homme égale une voix, donc tous les citoyens français qui vivent dans ce pays peuvent, ce territoire, ce morceau de la France des antipodes, peuvent se prononcer sur le. Donc pas citoyens de seconde zone, en l'occurrence des Blancs, pour le coup. Voilà. Et donc c'est la confrontation de ces deux légitimités qui a amené les événements. Jusqu'à ce que peu à peu les uns et les autres fassent des pas dans l'autre sens. Les Kanaks, dès 83, en réalité, ont commencé à dire on accepte de partager notre droit à l'autodétermination avec ce qu'on appelle les victimes de l'histoire. C'est-à-dire, c'est une belle expression pour signifier, ces descendants de bagnards, ces descendants de colons qui n'ont pas choisi d'être là, ces descendants de coulis asiatiques, et qui ne font plus partie d'un autre pays que de ce pays, eux aussi. Et réciproquement, les loyalistes, donc au moment des accords en fait, hein, et après les affrontements et les drames, ont accepté de considérer que tous les Français arrivant en Calédonie n'étaient pas forcément habilités à voter. On aboutit donc à ce résultat de compromis, où peu à peu donc le droit à l'autodétermination a été ouvert, partagé, de façon un peu contrainte et forcée par les rapports de force. Et finalement, dans les accords, ce qui a été décidé, c'est que tous les Français installés en Nouvelle-Calédonie avant la fin novembre 1994 et leurs descendants peuvent voter au référendum de 2018, 2020, 2022. Donc les gens qui sont arrivés après, quelqu'un qui est arrivé en 98, en 2002, il n'a pas pu voter. Avec cette idée qu'il faut limiter pour faire en fait la frontière bien délimitée qui fait partie de cette nouvelle collectivité et finalement de ce nouveau peuple calédonien en devenir. D'accord, donc ça c'est la question du corps électoral, c'est très intéressant, mais aussi la question de l'abstention malgré tout. Quelque chose m'échappe. Pourquoi faut-il aller chercher ceux qui sont pour l'indépendance, les Kanaks, pour qu'ils votent? Alors, ça c'est quand même étonnant, difficile à comprendre. Il y a plusieurs éléments. En 2018, il y a eu un petit parti indépendantiste assez radical qui a appelé à l'abstention. Finalement, ce parti est revenu dans le giron, ce qui a permis d'expliquer la forte montée du oui et le resserrement extrêmement marquant de l'écart entre le oui et le non. La composition de ce corps électoral gelé fait que les Kanaks représentent à peu près la moitié du corps électoral. On le sait pas précisément, mais en gros, c'est ça. Et ce qu'on constate, élection après élection, c'est qu'en réalité, il y a une la bipolarisation politique continue d'être très ethnique. C'est-à-dire que c'est massivement les Kanaks qui sont indépendantistes et massivement les Européens ou les non-Kanaks qui sont non-indépendantistes. Et de ce point de vue-là, le pari de l'accord de Nouméa, il a été perdu. Parce que le pari de l'accord de Nouméa, en 98, c'était de dire on décolonise le pays par la citoyenneté, on crée ce fameux destin commun et on espère, on imagine que dans 20 ans, il y aura une grosse majorité pour un choix ou l'autre, sachant que, c'est-à-dire qu'on aura on aura constitué une vraie nouvelle communauté de destin, et cette communauté de destin, elle réglera la question de son lien avec la France. Finalement, ça n'est pas advenu, c'est-à-dire que les deux camps sont toujours, il y a toujours deux blocs qui se font face à face. Malgré ce gouvernement collégial, décidé par l'accord de Nouméa, malgré ce gouvernement collégial, effectivement, donc le gouvernement collégial, c'est une innovation, puisque pendant 20 ans, les responsables politiques ont été amenés à travailler ensemble au quotidien. Mais ce qu'il faut remarquer d'un autre côté, c'est que pendant 20 ans, il n'y a jamais eu un gouvernement collégial dirigé par un indépendantiste avant cette année. C'est-à-dire que là, c'est à la toute fin de l'accord de Nouméa que pour la première fois, il y a eu ce choix politique qui a été fait. C'est-à-dire que la politique de la main tendue, elle va jusqu'à un certain point. Et notamment du côté des loyalistes, il y a eu un certain nombre d'occasions manquées, à mon sens. Et en particulier, si on revient sur la question du corps électoral, maintenant, une des revendications principales des leaders loyalistes les plus ultras, c'est finalement, cette limitation du corps électoral était un carcan. On va l'ouvrir, c'est pas normal. Mais s'il l'ouvre, ça veut dire que les Kanaks vont représenter à terme 25-30% du corps électoral. Ils deviennent ultra-minoritaires. C'est la politique de la noyade démographique qui devient démocratique. Et ça, ils refusent, ils le disent. C'est la pierre angulaire de l'accord. Donc si on touche à ça, on ne sait pas ce qui va devenir. Alors, on parle beaucoup du risque réel ou supposé, je ne sais pas, de voir la Chine devenir une nouvelle puissance coloniale. En cas d'indépendance, c'est un risque, un fantasme. Est-ce que les Chinois ont l'œil rivé vers cette région? Les Chinois ont Indo-Pacifique. Les Chinois ont l'œil rivé sur le Pacifique, mais le rapport avec la Calédonie, à mon avis, ça relève quand même très largement du fantasme. D'abord, la Chine, depuis longtemps, est un partenaire économique de premier plan de la Nouvelle-Calédonie. Il y a la moitié du nickel brut qui est exporté par la Calédonie va au marché chinois. Tout le monde veut les marchés chinois. Il n'y a pas que les Français aussi, tout le monde. Bon, d'une part. Et puis, d'autre part, ce que demandent les indépendantistes depuis un certain nombre d'années, c'est une nouvelle forme d'indépendance qui s'appelle une indépendance en partenariat avec la France. Ils ne veulent plus rompre tous les liens, ils veulent les redéfinir. Ce qui signifie qu'en gros, l'idée que si la Calédonie devenait indépendante et serait conquise par la Chine, c'est une façon, en réalité, c'est un véritable épouvantail. Parce que ce que les Kanaks demandent, c'est que la Calédonie soit indépendante avec la France. Bien, ce sera le mot de la fin, le mot synthétique de la fin. Merci infiniment de nous avoir éclairé sur cette question, qui est compliquée, hein. Elle est complexe. Dire. Elle est complexe. Mais enfin, on a eu une heure pour la décortiquer. C'est bien. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le destin de la Nouvelle-Calédonie, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Arnaud Caillet.